les doux et grands tu fais. Et tu donnes comme un taxe au ravan, fais les guerres désirées, l'homme roulé d'un léger. Mon fils, t'as vu dérouler pour la mer, j'ai mon fin entouré, les doux et grands tu fais. Et tu donnes comme un taxe au ravan, fais les guerres désirées, l'homme roulé d'un léger. Motano, Bolola et Lolo, des gens esclaves ont été descendus à Moléco. La ferme-moi rappelle, tout ben crioté jusqu'à briller l'angage que tu peux causer. Oh l'esprit continue à les enfants, Martine Sabatola, tu sais pas nous en la terre grand-papa. Et la tête moquette l'horizon, au pays faire vision qui position. Aujourd'hui ici nous dans ces caravanes, ça même grand souvenir, premier banane et pinto tiré. Bisous et merci les cieux, nous la scène, il est fin qui a dans nous la main. Bisous et merci les cieux, nous la scène, il est fin qui a dans nous les pieds. Ces caravanes, ça même grand souvenir, premier banane et pinto tiré.